Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Duprès 1862. Question 7. Des effets de la foi. La crainte de Dieu, la purification du cœur. 1. La crainte de Dieu est-elle l'effet de la foi? La foi produit la crainte de Dieu, la crainte servile, lorsque nous faisons percevoir certains maux que la justice divine inflige comme châtiment, elle nous porte à craindre les punitions de Dieu, la crainte filiale, lorsque, par un respect profond pour la grandeur et pour la bonté divine, nous craignons d'être séparés de Dieu ou de nous comparer à lui. La crainte servile a pour cause la foi informe. La crainte filiale est le fruit de la foi formée qui fait que l'homme adhère à Dieu par la charité et lui est soumis. 2. La purification du cœur est-elle l'effet de la foi? Saint Pierre signale cet effet en disant aux Juifs, « Dieu ayant purifié votre cœur par la foi, acte 15, l'être raisonnable, le plus noble de toute la nature, contracte une impureté toutes les fois qu'il s'allie par l'amour aux créatures éphémères et corporelles. Pour se purifier de cette souillure, il faut que, par un mouvement contraire, il se porte vers l'être le plus élevé de tous, c'est-à-dire vers Dieu. Or la foi est le premier principe de ce mouvement, car, comme le dit l'apôtre, il faut croire, pour s'approcher de Dieu, Hébreux 11, 6. La foi, par conséquent, est le premier principe de la purification du cœur, elle le purifie tout d'abord de la souillure de l'erreur, elle opère ensuite une purification parfaite, lorsqu'elle est elle-même perfectionnée par la charité. markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.